Le dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a visité le 2 l'école révolutionnaire de Mangyongdae pour planter les arbres avec les élèves à l'occasion de la journée du reboisement. À son arrivée avec sa femme Lee Seol-joo à l'école révolutionnaire de Mangyongdae et en compagnie de Fang Byung-so et Kim Yong-soo, les élèves et le personnel de l'école qui plantaient les arbres ont poussé des vivats tempétueux. Kim Jong-un s'est approché des élèves pour tapoter leurs joues et s'est renseigné avec tendresse et sentiment paternel de leur âge, année scolaire, études et vie d'organisation. Il a indiqué: aujourd'hui est la journée du reboisement où le président Kim Il-sung en leader a allumé le premier flambeau du mouvement de reboisement. À cette occasion significative, je me suis demandé où aller planter les arbres. Soudain, je me suis rappelé les élèves de l'école révolutionnaire de Mangyongdae et je suis venu ici. Ce disant, le dirigeant suprême a appelé les élèves qui se préparent en continuateurs et cadres de la révolution à se mettre aussi à la tête du reboisement et le personnel de l'école à conduire les élèves à se dévouer entièrement pour le reboisement avec la conscience patriotique pure et ardente avant de planter les arbres et aussi avec la volonté de se consacrer pour une forêt dense. Il a insisté aussi sur la nécessité d'avoir dès l'enfance l'amour ardent pour la patrie, pour se préparer en patriote authentique, en homme compétent qui pourra travailler volontiers pour la prospérité de la patrie au poste confié par le parti. Kim Jong-un a appris aux élèves qu'il faut planter les arbres selon les exigences scientifiques et techniques pour assurer le taux d'enracinement et que dans le reboisement, l'importance réside non pas au nombre d'arbres plantés, mais au nombre d'arbres enracinés. Et il a planté les arbres pendant longtemps, depuis le creusement du trou jusqu'à l'arrosage et le damage. Sous sa conduite, les élèves ont accéléré le travail avec animation. Le dirigeant suprême a examiné un à un les arbres plantés et apprécié le bon travail en disant que les élèves pourront à leur âge adulte se souvenir de ce jour-là devant les arbres épais. Devant le panorama de l'école située dans la forêt dense, il s'est montré très content et indiqué: les arbres sont nombreux, il n'y aura plus de place. Il faut donc appeler les élèves à reboiser les différents endroits marqués par la direction impérissable du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, notamment le palais du soleil de Kumsusan. Sur ce, il a recommandé de faire visiter aux élèves la pépinière numéro 122 de l'armée populaire de Corée, fière de sa modernité, pour leur apprendre les méthodes de reboisement scientifique, afin qu'ils se trouvent exemplaires dans le rétablissement des forêts en tant qu'enfants de Mangyongdae. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a indiqué les tâches ayant valeur de guide pour l'éducation, l'enseignement et la gestion de l'école révolutionnaire de Mangyongdae avant de se faire photographier en souvenir avec les élèves.